Mendoza. Yeah. Tu connais quoi à part les sous? Arrête de parler sous le moi pas. Fais la part des choses et n'oublie pas la part des sauces. Une caresse, non mec, un coup sur un thème. Sur un freestyle ou sur un thème, je m'en sors un thème. Une rime, une déferlante, dangereux comme Neverland. Pour un gosse, l'argot en deuxième langue. Nous mec, on est des plantes arrosées à l'alcool. On a le code, on a le mort et nos morts, on les aime l'angle. Mais taf, taf, c'est des prises de risque et des bêtes de cerf. Toi mec, t'es qu'un fils de riche qu'on a privé de dessert. Elle est dure cette ville là. Mon rap, c'est un mafioso qu'un gun, un cigare et un sorbet de fil. Monde de pute oblige, y'a que des PMP. Se prendre pour un VIP, y'a rien de pire. Moi, j'en ai marre d'avoir faim et me prendre des fins de main. Oh, j'suis dans la zone, donnez-moi la balle en fin de match. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Tu veux savoir pourquoi ils nous respectent? Parce qu'on prend des coups en protestant et sans protestant. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Dans la daronne, cache tout ton matos, c'est nac. Mais pour toi, ce sera ton combat. Dis pas ça, hermano. Ni casa et sous casa, mais c'est le bazar. Comme on peut railler sur casa, gros. Courant d'air dans mon compte, courant. J'ai mis du temps à me rendre compte que je nageais à contre-courant. C'est chaotique, ils veulent mettre Kaol King. J'ai la routine, la roquille tourne en plein dans la carotide. Mes refrais savent qu'être en Indé, ça tue comme les représailles des Russes d'entraîner des. De plus, c'est affolant car tous ces gus veulent qu'on reste à l'arrière du bus ou au volant. C'est un cocktail, ma mère. Respect, pétage, en war. J'arrête pas de répéter que c'est vachement hard. Quand je t'ai dit j'ai plus de thunes, aide-moi. J'attendais à regard, j'ai vu que des lunettes noires. Toi, me clasher, oh, lâche la cale. Je v'là le chacal, petit, dégage, t'as pas lâche les gars. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Tu veux savoir pourquoi ils nous respectent? Parce qu'on prend des coups en protestant et sans protestant. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Dans la daronne, cache tout ton matos, c'est nac. Mais pour toi, ce sera ton combat. Dans le soir hivernal. Seul, j'ai fait Paris by night. Vous me connaissez pas, parlez pas de NAC. Cliché, j'y arrive pas, frère. Le rap comme sparring partner. Moi, je mets tout Paris par terre. J'badine pas, frère. Mais t'as pas, je les vois venir, toi. T'aides pas, je suis un ovni, mais ça te parle. Que t'écoutes Jay-Z ou Linkin Park. Discute pas, des lyrics qui te parlent. N'hésite pas à choper mon disque quelque part. Dans le rap, depuis 9 voire 10 pichés. J'entends des textes profonds comme une mare de pisserier. Comme la caisse à Starsky, Belek. Parce que quand je parle de descente, fiston, je te parle pas de ski. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Tu veux savoir pourquoi ils nous respectent? Parce qu'on prend des coups en protestant et sans protestant. J'm'en fous des ondines, j'préfère les Honda. On parle pas ton codis, parle-moi ton combat. Vends la daronne, cache tout ton matos, c'est nac. Mais pour toi, ce sera ton commando.